Bonsoir. Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Qui sera le grand monarque? » Pas toi. Question du jour. Viendra-t-il d'Oka? C'est la boîte de métal repliée. Est-ce qu'on dit qui sera ou qui est le grand monarque? Est-ce que le grand monarque est déjà là? On peut dire les deux. On peut dire ou on dit? Ça dépend des personnes. Est-ce que le grand monarque existe aujourd'hui? Non. Donc, on dit pas qui est? On peut. Comment on peut? Pour la simple raison que, dépendant de la possibilité qu'ont certaines personnes de capter certaines choses, ils peuvent effectivement sentir déjà qu'il y a une présence style monarchique, planétaire. Mais ce n'est pas une monarchie qui est suffisamment instaurée pour que la majorité des individus puissent la ressentir. Donc, selon un certain point de vue, il est déjà là. Mais ces personnes-là, s'ils voudraient en parler comme quoi il est déjà là, la majorité des humains ne pourraient pas comprendre. Donc, finalement, il n'est pas là. Il va être là. Le grand monarque, tu as déjà mentionné dans d'autres conférences que c'était un événement. Est-ce que c'est un événement qui est généré par un individu, ou est-ce que c'est un individu, le grand monarque, ou est-ce que c'est un événement? C'est un papillon. Le grand monarque, c'est un individu, c'est un événement. C'est ça. Sauf que quand on dit que c'est un individu, le grand monarque, c'est plusieurs individus. Mais ce ne sera toujours qu'un individu qui sera grand monarque. Mais il y aura plusieurs grands monarques alors qu'il n'y aura qu'un seul grand monarque. Je sais que je te complique un peu la vie, là, mais... Comme d'habitude. C'est ça. Il n'aura pas de moustache. Non. Ça élimine déjà du monde. Le grand monarque, c'est premièrement, c'est un phénomène qui a été amené surtout par Michel de Nostradamus, par Nostradamus. Du point de vue de l'ésotérisme occidental, c'est quelque chose, c'est un personnage apparent qui se posait venir de Reims. Les ésotéristes sont amusés énormément parce qu'il y a plusieurs Reims sur le plan planétaire. Il y a la ville de Reims en France. Il y a eu, à un moment donné, un personnage ici qui réincarne Michel de Nostradamus. Et il avait d'ailleurs une librairie ésotérique qui s'appelait la librairie Nostradamus. Et lui, il s'était amusé à jouer avec de la numérologie, avec les noms, etc. Et il avait découvert à un moment donné qu'il y avait un centre ésotérique assez puissant qui était sur la rue Crémazie. Et que, par contre, il n'y avait pas de porte sur la rue Crémazie, quoique le numéro civique que la ville de Montréal avait donné était sur la rue Crémazie. Et c'était au 147. Alors, il s'est amusé, il avait dit 7 plus 7, premièrement, c'est la création, 4, c'est la matière, 1, c'est le principe actif. Ce serait bien pour définir un grand monarque. Il avait dit 7 et 4, ça fait plus 1, donc il s'est amusé comme ça à calculer. Et il avait découvert que ça donnait le chiffre biblique de l'univers. L'actif engendrant le passif, dont le total donne le résultat. Mais ce qu'il avait surtout trouvé d'intéressant, c'est que l'édifice en question, le centre ésotérique, se trouvait au 11e étage. Le 11e étage, c'est le chiffre 2. 2, c'est le symbole, encore une fois, de la passivité universelle. Donc, quelque chose qui permet l'accomplissement, mais qui ne permet pas nécessairement l'intentionnalité. Mais surtout, c'est que la porte d'entrée, alors que le numéro civique était sur la rue Crémazie, la porte d'entrée, elle, était sur la rue de Reims. Or, il s'est amusé comme ça à dire certaines choses, et dans cette optique, tout ce que Michel de Nostradamus avait prévu était facilement adaptable à 100%. Et lui, c'est un spécialiste, évidemment, des prophéties de Michel de Nostradamus, parce que de toute façon, il a digéré aujourd'hui, mais il a été la réincarnation de Nostradamus. Alors, le grand monarque, c'est quoi? C'est, pour plusieurs personnes, c'est un personnage qui va arriver à l'aube du millénium, donc à l'aube de l'âge d'or, à l'aube des 13 800 ans d'évolution pacifique, d'évolution harmonieuse, qui sont prévues par la majorité des systèmes théologiques et des systèmes ésotériques traditionnels. On peut parler de millénium, 1000 ans de paix, mais pour les individus de l'époque, quand on vivait 30-40 ans, 1000 ans, c'était déjà intéressant. Du point de vue arien, donc du point de vue indo-européen, au niveau, par exemple, de ce que vont prophétiser les hindous, ceux qui sont reliés à Brahma et ces choses-là, eux vont parler justement d'un ère brahmique, donc de 13 800 ans. Nostradamus dit quoi? Il parle d'un apocalypse, mais il parle de l'apothéose après l'apocalypse. Et tous les grands personnages qui ont amené des prophéties, que ce soit Malachi, que ce soit Jean 23, que ce soit Jean de Patmos et un paquet d'autres, ceux qui ont parlé de prophéties ont parlé d'apocalypse et ils ont tous parlé d'apothéose. Sauf que l'humain est un être humain, c'est un être possédé par un ego. L'ego est un phénomène assez médiocre, il est totalement associé au médiocrisme. Et l'ego a été investi dès son apparition en Lémurie sous le contexte planétaire d'une conscience lui disant qu'il avait fait une chute, qu'il était tombé, qu'il était descendu, qu'il était coupable et qu'on le punissait. Et nécessairement, tout ce que l'ego peut retenir de toutes les prophéties, c'est l'apocalypse. Alors que tous les personnages parlent d'apothéose par la suite, mais jamais on ne parlera d'apothéose, on parle surtout d'apocalypse. Alors, il y a, à un moment donné, des personnages qui, eux, mettent en application leur ésotérisme. Ce sont des personnages qui évoluent 24 heures sur 24 et qui mettent terre à terre en application. Et eux se sont dit, à un moment donné, on devrait, c'est logique, intelligent, accélérer l'apocalypse de façon à accélérer l'apparition de l'apothéose. Alors, eux, ils se sont, à un moment donné, arrangés avec l'Allemagne d'Adolf Hitler. Et ils ont tenté de précipiter l'âge de fer de l'âge de fer, c'est-à-dire qu'ils se sont arrangés pour faire en sorte qu'il y ait dans le contexte planétaire une concentration de mal, parce qu'on est présentement au niveau des systèmes, disons, bouddhiques, on est dans le Kali Yuga, l'âge du mal, et on est dans le Kali Yuga, l'âge du mal, très mal. Et par la suite, après l'âge de fer, le Kali Yuga, on a l'âge d'or, qui est justement l'âge, le millénium. Et ces personnages ont décidé de concentrer le mal sur le plan planétaire de façon à accélérer la venue du bien. C'est extrêmement mathématique, ça devient extrêmement logique. Il y a certaines problématiques, évidemment, c'est que les individus qu'on va utiliser pour exprimer le mal, ou sur lesquels on va pouvoir exprimer le mal, que ce soit le peuple juif, que ce soit le peuple romanichel, les gitans, qui ont aussi subi une partie d'extermination avec le Troisième Reich, que ce soit simplement les Allemands, que ce soit les Russes. Les Russes, il y a eu énormément de Russes qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup plus, d'ailleurs, qu'il y a eu d'Américains, qu'il y a eu de Juifs et qu'il y a eu d'Allemands. Du bataille à coup de pelle, on ne sait pas trop, mais les Russes, il y en a eu un grand nombre, et plusieurs millions de plus que toutes les autres réunies. Et l'idée était donc de faire en sorte qu'il y ait du mal. Ce que l'on constate depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'il n'y a pas eu de guerre majeure depuis plus de 55 ans. Alors qu'historiquement, on n'a jamais été capable d'envisager au-delà de 30-35 ans de paix globale à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que si on retourne à l'époque des Romains, à l'époque des Égyptiens, à l'époque des Teutons, c'est évident qu'on n'avait pas de guerre mondiale à l'échelle planétaire comme on a eu lors de la première et de la deuxième, pour la simple raison qu'il y avait beaucoup de terres non connues. Mais au niveau de la race indo-européenne blanche, la race aryenne, qui inclut la majorité des races cutanées, donc noires, etc., au niveau de cette race, il n'y a jamais eu plus de 30 ans de paix. Alors, les Romains faisaient la guerre, il y a eu Philippe de Macédoine, il y a eu Alexandre le Grand, on a juste à fouiller un peu dans nos livres d'histoire pour se rendre compte que c'était sans arrêt. Et ça a toujours été comme ça, conquête sur conquête, croisade, non-croisade, guerre de 100 ans, etc., il y a toujours eu des guerres. Et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on a subitement eu une vague de paix. Il y a eu le Vietnam américain, il y a eu l'Afghanistan soviétique, il y a eu des équilibres énergétiques. On a vu que les Américains ont abattu un avion, à un moment donné, un avion civil au-dessus du Golfe. Un peu avant, les Soviétiques avaient abattu un avion coréen, un avion civil aussi, près de leur territoire. Il y a un échange énergétique, c'est-à-dire que si les Russes commettent une bévue, quelques temps après, les Américains feront la même chose, de façon à ce que, planétairement, on ne puisse pas déstabiliser la haine. Alors que les Américains ont perdu la guerre du Vietnam, les Russes se sont payés le luxe d'un Afghanistan, qu'ils ont perdu aussi, de la même façon, aussi stupidement. Ils ne l'ont pas gagné, ils l'ont remis à ceux qui étaient là, et ça n'a rien changé, finalement. Bon, il y a un équilibre, il y a des petites guerres, mais il n'y a pas autant de problématiques. Sauf que le mal est apparu sous une autre forme après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été nécessairement la drogue, ça a été l'alcool aussi, c'était connu un peu déjà, mais la drogue est de plus en plus vers la jeunesse. Il y a quelque chose qui tend encore une fois, à contrôler les structures évolutionnaires des humanités pour obliger le mal. Alors, on peut regarder dans la légende biblique, pour ne parler que de la Bible, parce que tous les systèmes théologiques ou ésotériques s'entendent sur les principes, il y a eu un paradis. Il y a eu un ère où l'être humain ne souffrait pas, un ère où l'être humain était extrêmement bien, une ère où l'être humain avait la capacité de faire des choses qu'il ne fait pas aujourd'hui. Progressivement, l'être humain serait descendu dans la matière, aurait subi le poids de sa chute, dépendant donc des étymologies, on verra différentes choses, et on en arrive à découvrir le mal, à découvrir l'obligation de se reproduire parce qu'il y aura la mort, et on découvrira plusieurs choses. On va finalement vers des points culminants de souffrance. Et toutes les religions s'entendent pour aider l'humain à souffrir. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans l'Apocalypse? On est effectivement dans l'Apocalypse depuis les années 1920-1930. Sauf que c'est une apocalypse culminante, c'est-à-dire qui est progressive et qui devrait normalement s'estomper vers les années 1999. Et elle devrait atteindre un point supraculminant dans les années 92 à 96. Un point culminant de souffrance ou de mal sur le plan terrestre? C'est ça, de Kali. Et ésotériquement, il y a beaucoup d'ésotéristes qui sont contraires présentement parce qu'on va ajouter Kali. On remarque on parle par exemple de toute la mécanique astrale qui est une mécanique d'illusion. Et on se rend compte que Direct Film fait faillite, mais il y a une autre compagnie qui s'appelle Astral Photo qui fonctionne bien. Et les annonces d'Astral Photo, c'est quoi? On voit des fées, on voit des sorciers, on voit des choses comme ça. C'est typique du monde astral. Bon, on a de plus en plus, dernièrement, on pouvait lire sur une boîte de céréales que les mouchliques, je crois, que la tradition européenne s'était réincarnée au Québec. Sur la boîte de céréales, là. C'est leur annonce. Il faudrait que je recommence à lire en déjeuner. C'est ça, oui. Ça sert à ça, les boîtes de céréales. Les places en avant du bol, normalement, pour les tournes. Chacun lit son côté, là. Bon. Quand tu as trois enfants, tu regardes les autres livres. Oui, bien, tu laisses faire la troisième, bien, c'est pas lire encore. Bon. Mais il y a de plus en plus de choses comme ça qui sont intéressantes. On regarde aussi au niveau de toute la cinématographie, au niveau des livres aussi qui sont écrits. Il y a une préparation évidente à plusieurs choses. On prépare l'humain au contact avec les intraterrestres. On prépare l'humain au contact avec les extraterrestres. On prépare l'humain souvent à vivre une apocalypse à long terme, c'est-à-dire qu'on a plusieurs films après Apocalypse, où c'est habituellement toujours, et ça fait partie encore d'une structure très naïve et très médiocre de l'humanité de voir les choses. Vous pouvez aller dans les clubs vidéo et louer des films d'après l'Apocalypse. Vous allez voir que les seuls survivants sont des punks, et la majorité se promène avec des véhicules particuliers, avec des grosses cornes là-dessus. Ça ne fait que s'entretuer pour un peu d'eau ou un peu d'essence. Et il y a à peu près juste ceux qui vivent dans le Bronx new-yorkais qui s'en sortent. Bon. Serait logique aussi, ils sont habitués, eux autres, de vivre l'apocalypse. Ouais. Sauf que c'est les plus rapaces, c'est peut-être ceux aussi qui vont décoller en premier. On va voir un peu plus loin dans certains films, comme par exemple Alien. On regarde le numéro 2, où on a des forces d'intervention militaire américaines. C'est dans l'avenir, dans le très, très grand avenir, où les soldats ne font que se faire les bras. La fille veut absolument être comme un gars aussi. Bref, l'humain n'a apparemment absolument pas évolué, à part là, il y a juste la matière qui a évolué. Il y a une problématique chez l'humain, c'est qu'il continue à se croire extrêmement médiocre. Et à travers toutes les projections qu'il a faites, il se médiocrise complètement. À un point tel que toutes les prophéties parlent d'apothéose et l'humain ne retient que l'apocalypse de la prophétie. Le grand monarque, c'est quelque chose qui est parlé dans toutes les prophéties. On appelle cela le retour du Christ dans une des prophéties. L'humain parle de quoi dans l'apocalypse de Saint-Jean? De l'apocalypse de Saint-Jean. Le reste, ça... Bon, on parle, dans Michel de Notre-Dame, on parlera du grand monarque. L'humain parle de quoi? De la Troisième Guerre mondiale. C'est ce qu'on va retenir des prophéties, des centuries de Michel de Notre-Dame. Et continuellement, ce sera comme ça. On parle, par exemple, de Malachi qui va faire la prophétie des papes. Et à un moment donné, on attend avec anxiété et en même temps avec désir l'assassinat du dernier pape, de faire ça, pouvoir voir que l'Apocalypse s'en vient. Bon. Il y a énormément de personnes qui seraient... Chaque année, il y a des individus qui fuient le monde civilisé, qui s'en vont, et bon, ils se retrouvent dans des places extrêmement reculées, parce que c'est l'Apocalypse, dans 2 jours et 28 heures. Bon. Et là, ils vont, ils se poussent à certaines places et puis ils attendent. Et puis après, les 3 jours, 4 jours, 5 jours, là, ils sont trompés un petit peu, ils rectifient, c'est dans 2 mois et demi. Et puis après 3 mois, finalement, ben, ils reviennent dans notre société très déçus qu'il n'y ait pas eu de catastrophe planétaire. Et c'est donc, quand je parle de médiocrisme au niveau des égos, personne ne le veut, mais tout le monde regarde les journaux quand il y a un tremblement de terre quelque part. Quand ça touche Los Angeles, on est avide de voir la quantité de morts. C'est comme un baromètre qui va nous dire si c'est l'apocalypse qui s'en vient ou pas. C'est pas l'échelle de Richter, mais. Mais non, mais non. 72 morts, franchement. C'est l'apocalypse sous mon œil. On regarde simplement à Bhopal, aux Indes, il y a eu 1700 morts immédiates, 3500 par la suite, alors qu'un tremblement de terre majeur à San Francisco arrive à peine à tuer une centaine de personnes. Alors, les personnes sont toujours en train de vérifier. Edgar Cayce dit qu'à un moment donné, l'Europe, grande partie de l'Europe va s'enfoncer. Alors, il y a des avions en Angleterre et en Europe, des Boeing, dont les moteurs tournent 24 heures sur 24. Ils sont payés par de riches millionnaires, des grosses compagnies, et ça tourne sans arrêt. Uniquement au cas que le bloc de l'Est décide de venir bâiller en Europe. Mais là, évidemment, avec la déstabilisation du communisme, ça atténue un peu ces choses. Et au cas où il y aurait des tremblements de terre majeurs ou une catastrophe, eux, leurs limousines sont prêtes, c'est 24 heures sur 24 en état d'alerte, et ils peuvent décoller de ces pays-là en dedans d'une demi-heure à peu près. Ils sont prêts à partir. Alors, ça coûte combien monopoliser on parle de gros porteurs, les moteurs tournent sans arrêt, et les pilotes sont... tout le monde est prêt. Bon, alors c'est exactement comme si c'était tous des premiers ministres ou des présidents des États-Unis. Il y en a quelques milliers, quelques centaines en tout cas. Tout le monde s'attend à cela. On attend cela. Comme tu le dis, on a hâte. Et oui! En même temps, comment ça se fait que c'est l'ego qui a hâte, naturellement. Mais comment ça se fait qu'on a hâte que ça arrive? Parce que c'est pas parce qu'après, justement, on attend l'apothéose, dans le fond. Bien, dans le fond, Dans le fond, on a hâte que le pire arrive pour avoir le mieux. Dans le fond, on a hâte que le pire arrive, surtout pour ne pas passer pour des imbéciles. Depuis le temps qu'on l'attend. Pour que ça se réalise. Bien, à un moment donné. Juste pour dire, on le savait. Exactement comme mon fils, il va finir par se droguer, je suis sûr. Il se drogue jamais, il est torieux. La journée qu'il se drogue, ah, je savais, hein? Il y a un contentement, il y a une fierté, il y a une partie de ton ego qui se nourrit. Puis après ça, tu démerdes avec le problème. Mais on est toujours un petit peu content. Bon. Et ça, ça fait partie justement des structures d'involution, des manipulations planétaires qui amènent l'humain à ne pas accepter que les choses aillent bien. Est-ce que le grand monarque va arrêter ça, il va changer ça? Le grand monarque n'arrêtera pas ça. Le grand monarque va venir quand ça va être arrêté. Alors nécessairement, parce que l'humain se dit toujours, dans son médiocrisme, il n'a rien à faire. Qui êtes-vous? Pouvez-vous changer l'humanité? Pouvez-vous changer un iota de ton corps physique? À peine. Tu peux en ôter. Peux-tu en rajouter? Et c'est ce qui arrive, c'est que l'ego humain est investi de médiocrisme qui fait qu'il ne croit pas à quelque chose de durable qu'on pourrait appeler bonheur. Il y a un dicton planétaire qui résonne dans toute la galaxie qui est « c'est trop beau pour être vrai » ou « c'est trop beau pour durer » ou « là, j'ai des fleurs, j'ai hâte de voir le pot ». Alors, on attend quoi? Les fleurs puis le beau, on s'en balance, on n'en a rien à faire. C'est toujours après le reste qu'on attend. Alors, l'individu planétaire est toujours confronté à croire en la problématique puis à ne jamais faire confiance à la solution. À ce moment-là, pourquoi on attend un grand monarque? Pourquoi on attend une solution? On n'attend pas un grand monarque, justement. On a fait une conférence sur les déboires de l'apocalypse dans les 5 prochaines années. On aurait peut-être loué une salle plus grande. Quand on parle du grand monarque, la majorité des individus ne viennent pas. Pourquoi? Parce que ça ne nourrit pas. Il y a une chose, il faut comprendre. On est tous investis d'un ego, c'est un virus. Ça habite avec l'humain. En même temps, il y a le mental qui est, lui, le réceptacle de la conscience. L'ego, l'âme, c'est la mémoire de la conscience. Alors, nécessairement, on n'arrive plus à discerner entre l'âme, entre l'ego et entre ce que nous sommes, nous. Mais comme je le dis souvent, la majorité des êtres humains ne peuvent pas contrôler leur corps complètement, ne contrôlent pas leur vie non plus, parce que, premièrement, ils sont manipulés, ça va de soi. Mais il y a autre chose aussi, parce qu'une grande partie de la manipulation intérieure vient justement de l'ego. Alors, la personne décide de faire certains travaux. On fait juste se rappeler quand on allait à l'école. Souvent, on avait des devoirs à remettre, puis on les remettait toujours à la dernière minute, souvent. Bien qu'on se disait, oui, mais c'est ridicule, il faudrait que je le fasse maintenant, puis essaye de le faire maintenant, c'est pas capable, hein? Bon. Il y a des personnes qui suivent des régimes. T'as rien qu'à suivre un régime, pas capable, hein? C'est ça. Des personnes qui veulent arrêter de fumer, des personnes qui veulent arrêter de chialer, des personnes qui veulent arrêter d'avoir des problèmes, pas capable, hein? Non, c'est ça. On fait juste se rappeler qu'on, quand on veut dormir, ça pense dans notre tête, t'as rien qu'à arrêter de penser. L'humain n'est pas capable d'arrêter de penser parce que c'est pas lui qui pense. C'est l'ego. Alors, il y a donc cet ego qui, lui, est de la mémoire. Mais cette mémoire-là, elle se nourrit. Elle se nourrit d'émotions. Alors que vous, que la conscience de l'homme, de la femme et de l'enfant ne se nourrit pas d'émotions, elle se nourrit de sentiments. Et l'émotion, c'est la mémoire du sentiment. Mais étant donné que l'ego est beaucoup plus près du corps physique, parce que plus involué, plus dense, c'est lui qui, hélas, est capable de s'exprimer par les voies hypothalamiennes, par les voies endocriniennes, entre autres. Donc, il contrôle le corps physique. L'endocrinologie, c'est la science médicale qui détient le secret de la santé et de la longévité chez la race humaine, comme chez les animaux. Sauf qu'on est encore dans une science de cure. On ne prévoit pas, on guérit. L'ego a besoin de se nourrir. Pour se nourrir, il doit vivre de sécrétions endocriniennes, c'est-à-dire qu'il doit s'exprimer. Hein? Il y a deux lois qui dirigent l'ego. La première, s'exprimer. La deuxième, s'alimenter. S'exprimer pour savoir qu'il est là. Et ça permet l'alimentation de lui-même, la synergie. On appelle ça de l'égocentrisme. Et l'alimentation lui permet de ne pas mourir, de ne pas s'oublier. Comme on est pluriconstitué, notre ego est constitué d'un paquet de morceaux. Alors, vous rencontrez quelqu'un, ça va créer à la longue une mémoire de cet individu-là, et vous l'aimez. C'est-à-dire que vous vous abreuvez énergétiquement de sa présence. Vous vous engueulez régulièrement, il y a une partie de l'ego qui maintenant est créée par l'expérience de l'engueulade, et on aura besoin de s'engueuler régulièrement, ça va nourrir une partie de l'ego. Que ce soit la haine ou l'amour, c'est de la nourriture. Eh oui, même chose. Alors, il est sûr qu'il y a une partie chez nous qui allons souffrir de l'engueulade. Eh oui, et elle s'habitue à souffrir de l'engueulade, donc elle a besoin de l'engueulade pour être capable de souffrir de l'engueulade. Là, elle sait qu'elle existe. Souvent, l'humain va dire, on a besoin de stimulation. Tu sais, un couple qui chicane jamais, ça doit être plate. Hein? Ça fait partie des expressions courantes, c'est fréquent. Oui, mais ça prouve que le couple est sain, c'est de la chicane de temps en temps. C'est ça. Il faudrait qu'on se fasse une guerre mondiale, qu'on se tapoche la tête à merveille pour accepter un millénium après. Ça te permet de changer la vaisselle de temps en temps aussi. Oui, maintenant, ils font pas mal incassables. C'est dommage. Mais il y a des expressions qui sont typiques et ce ne sont pas des façons de parler, ce sont des façons de vivre. L'humain, donc, a un ego. Mais si l'ego se nourrit aussi bien d'amour que de haine, pourquoi il y a plus tendance à aller du côté noir ou du côté pourquoi? Pour apocalypse? La simple... ben, c'est très, très, très facile à comprendre. Pour la simple raison que ce qui est intelligent, ce qui est beau, n'émet pas d'émotion. C'est perceptible uniquement par le sentiment. Alors que ce qui est moins évolué, moins esthétique, disons moins aristocrate au niveau de la conscience ou de l'esthétisme, ça stimule de l'émotivité. Alors, vous allez aller voir un film, par exemple, que vous allez trouver génial. Je prends un exemple comme ça, mais on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. On va voir Jonathan Livingston, le goéland. Et sur un grand écran, avec de la belle musique, etc. Et puis là, on peut tomber en extase devant le paysage, devant le film, même devant l'histoire, parce que l'histoire, elle est esthétique. Mais le film n'a pas remporté un succès comme on pourrait s'attendre d'un film d'horreur. Et quand on va dans les clubs vidéo, si on regarde les statistiques, les cassettes les plus louées sont les films d'horreur, après les films de sexe, et après il y aura d'autres films, les drames, etc. Il y a certains films de sexe qui peuvent être des films d'horreur, ça dépend. Oui, mais non, mais ceux-là prennent énormément. Ceux-là prennent énormément. Bon, faire l'amour avec une scie mécanique, c'est chose à bon. Mais ceux-là prennent énormément, ça allie tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'on stimule de l'émotion. Et parce qu'on stimule de l'émotion, le corps physique réagit. On dit, tu sais, ça te ramasse dans les tripes. Alors, on va voir un film d'horreur, puis les individus ont peur, ils transpirent, le cœur accélère, ils vont aux toilettes, ils ne dorment plus la nuit d'après. Puis ils souffrent de ne pas dormir, puis ils continuent à aller voir des films d'horreur. Il y a une partie de l'ego qui va s'alimenter de quelque chose. Alors, quand je dis que l'humain n'est pas le maître contrôleur à bord, c'est évident. Parce qu'il fait des choses comme la personne qui boit, puis qui le matin est malade, puis elle gueule quand elle est malade, puis elle jure que jamais plus elle boira, puis elle recommence à boire. Puis elle est encore malade, puis elle chiale, puis elle... Bon, voilà. L'humain est bâti de mémoire. Ces mémoires-là se nourrissent d'émotivité, d'émotion. Alors, nécessairement, la première fois qu'on rencontre quelqu'un, on peut ne pas vivre d'émotion, on peut vivre du sentiment. Sauf que notre ego, qui vit l'expérience, le mémorise. Et quand on revoit la personne, lui veut revivre l'émotion. Alors, à travers le sentiment qu'on va revivre, il vient juxtaposer l'émotivité. Juxtaposant l'émotivité, on revit les sentiments avec de l'émotion. Alors, on va, par exemple, perdre quelqu'un de vue pendant un an, et quand on le revoit, on va parler du bon vieux temps. Qu'est-ce qu'on fait? On restimule des mémoires. Parce que si on ne restimule pas les mémoires, peut-être qu'on n'aimera pas revoir l'individu. Alors, on aura hâte de le retrouver pour reparler du bon vieux temps. On parlait des bonnes choses qu'on a faites ensemble, des mauvaises choses, qu'on va rire. On stimule. Quand on parle d'apothéose, quand on parle d'évolution, quand on parle de bonheur, le bonheur, ça ne fait pas sécréter. Le bonheur, ça ne nourrit pas l'ego. Mais le malheur, ça fait sécréter. De ce fait, l'humain va s'arranger à un moment donné par vivre du bonheur. Dans son vécu du bonheur, l'ego ne trouve pas de partie nourrissante. Alors, l'ego va venir créer un stress, la peur de perdre le bonheur. Alors, on est heureux tout en ayant déjà peur de le perdre. Alors, par exemple, un homme tombe en amour avec quelqu'un énergétiquement et non pas au niveau sexuel. Et en même temps, immédiatement, la personne peut se dire « Oui, mais là, je l'aime, mais maintenant, je m'inquiète. » Alors, l'ego vient s'alimenter du drame d'horreur, perdre la personne que tu aimes, pour continuer à s'alimenter. Et progressivement, l'ego va finir par manipuler autrui, c'est-à-dire que maintenant que je t'aime, tu ne dois pas sortir quand je veux pas, tu ne peux pas sortir avec une autre ou avec un autre, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Bref, c'est toute la manipulation qu'on connaît, qu'on trouve tout à fait naturelle et normale chez les couples. Mais cette émotion-là, elle contrôle. Je me souviens au moment où je travaillais à la bourse, quand tu avais une bonne nouvelle sur IBM, les actions montaient de 10 cents, une mauvaise nouvelle, bien, c'est 10 piastres. C'était toujours... Puis c'est toujours comme ça. Tu as un crash, tu as 500 points dans une journée, mais tu n'as jamais vu 500 points par en haut. Tu peux voir 500 points par en bas. Oui, l'humain est beaucoup plus réactionnaire vers la débandade que la bandade. Est-ce que ça, cette mécanique-là de toujours amplifier le problème, de toujours prendre plus tragique la nouvelle, va finir par changer? Parce que si le grand monarque, s'il attend après ça pour arriver, il n'est pas prêt pour l'arriver. Non, lui n'attend pas après ça pour arriver. OK, bien si l'événement... Mais l'événement ne se produira pas avant que ça arrive. Le grand monarque ne sera pas là tant que l'humain ne sera pas prêt à le recevoir. OK. Imaginez que vous soyez totalement investi d'intelligence, vous êtes totalement heureux ou heureuse. Allez-vous venir vous pointer le nez sur la planète Terre actuellement? Fais attention où j'atterris. Oui, cherchez-vous un bon désert. Ouais. Bon. Alors, l'être humain est capable de percevoir des choses extrêmement utopiques, néotypales, c'est-à-dire des nouvelles formes, des choses qui amènent l'humain à se construire. Mais en même temps, l'humain se nourrit énormément de choses qui l'entretiennent. Et il y a une problématique, c'est qu'on ne peut pas construire tout en entretenant des choses. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un morceau de glace, on veut en faire une statue, une sculpture. Chaque fois qu'on ôte quelque chose, quelqu'un rajoute ce qu'on vient d'ôter. Chaque fois qu'on en rajoute quelqu'un autre ce qu'on vient d'ôter, on veut entretenir la vieille forme tout en espérant en avoir une nouvelle. Et ça, c'est la problématique de l'ego humain qui veut évoluer tout en restant lui, qui veut peut-être devenir divin tout en restant humain. Il veut rencontrer Dieu. Ça va te foutre quoi de rencontrer Dieu? Tu vas toujours être poli de la même façon? Ah oui, mais si je deviens divin, bien, si tu deviens divin, tu ne pourras plus agir comme les humains. L'humain a toujours été confronté, justement, entre une guerre entre l'un et l'autre, entre celui, comme une personne me disait à un moment donné. Dernièrement, je me rends compte qu'il y a certaines choses qu'on accomplit régulièrement. Par exemple, elle prend une bière de temps en temps, la personne, puis elle me dit, c'est totalement ridicule. Quand je prends de la bière, c'est uniquement pour être capable d'embrasser des gars autour de moi plus facilement. Alors, je me rends compte que j'ai besoin d'une forme de nourriture, nourrir le corps astral, que dans l'évolution, je suis rendu, je ne peux plus embrasser n'importe quelle cave comme ça, surtout que c'est des animaux, tu sais, ils me courent. Bon, je ne peux plus. Alors, si tu ne peux plus, c'est impeccable, c'est que tu deviens de plus en plus centré sur ton intelligence et de moins en moins assujetti à l'évolution collective. Tu es de moins en moins animalisable. Donc, tu ne pourras pas faire l'amour avec n'importe qui, n'importe où. La personne qui embrasse tout le monde va dire, oh, non, il y en a d'embrasser le monde. Comme la personne qui couche avec n'importe qui, par exemple, pour faire des films ou dans des endroits où on peut aller les regarder, elle va dire, rien là. Il y a toujours rien là pour celui qui le fait. Mais quand on monte d'une marche, à un moment donné, on se rend compte qu'on devient inhibé. On ne peut plus faire certaines choses. Alors, cette fille-là, elle se rend compte qu'elle ne peut plus embrasser n'importe qui comme ça. Alors, elle a un problème. C'est qu'elle ne peut plus le faire. Alors, elle boit. Et là, elle peut le faire. Et les adultes, qu'est-ce qui se passe souvent? Quand ils sont enfants, ils s'amusent, ils jouent. Une fois adulte, et là, c'est ce stéréotype d'une façon adulte, alors qu'on devrait être un enfant avec l'expérience de l'adulte et pas un adulte, Et pour s'amuser, souvent, alors on va justement commencer à prendre la boisson, prendre la drogue, on va faire des choses pour pouvoir se rabaisser. Quand on se refroidit comme cela, on appelle ça se réchauffer. Quand on se réchauffe, parce qu'en réalité, on se refroidit, on se restrifie, eh bien, notre conscience ne peut plus venir. Et il n'y a que l'expérience de la conscience, ce qui est souvent mémoriel. L'animal est uniquement mémoriel, n'a pas de conscience. Hein? Un oiseau a une mémoire génétique. Il peut faire un nid, mais l'oiseau ne sait pas qu'il sait faire un nid. Mais il sait faire un nid. Alors que l'humain sait faire des choses, mais en plus, il sait qu'il sait faire des choses. Il a de la conscience. Alors que la conscience astrale, la conscience mémorielle, l'oiseau en a une, il sait faire un nid, mais il n'a pas de conscience réelle, il ne sait pas qu'il sait faire un nid. Bon, alors si on regarde les troupeaux de chevaux, les loups, même chose, ils vivent très coordonnés, les abeilles aussi, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils le font bien. L'homme a une conscience par-dessus la conscience astrale, la conscience mémorielle, qui lui permet de savoir des choses. Et cette personne-là devient souffrante, pourquoi? Parce que justement, elle est transitive entre un monde nouveau et un monde ancien, entre une ère du Verseau, une ère pycéenne, entre l'homme, la femme, l'enfant nouveau et l'homme, la femme, l'enfant ancien, elle est prise. Et elle va de temps en temps jouer entre les deux. Et ça, c'est problématique. Quand on parle de grand monarque, le grand monarque, c'est une condition. Et il doit y avoir plus d'êtres humains qui vont être capables de transiter du côté de l'ère nouvelle. On parle de l'ère nouvelle, on s'en fout. L'ère du Verseau, on s'en fout. On est passé dans l'ère du Verseau souvent. Hein? Il y a 12 signes zodiacaux. Ça dure 2200 ans approximativement chacun. Alors, on l'a vu, l'ère du Verseau, plus qu'une fois. Oh, je me rappelle les fois d'avant. Ben, c'est ça, effectivement. Alors, c'est l'ère du Verseau, n'a rien à faire. C'est pas parce qu'on arrive dans l'ère du Verseau, c'est que l'humain a besoin de place. Comme par exemple, le 1er janvier, hein, là, c'est le temps. Comme le 1er janvier, puis le 25 de mars, c'est toujours. C'est le temps quand on décide que c'est le temps. Bon, le 21 mars, c'est le premier printemps. Hein? Première journée du printemps, c'est le début. Bon, le premier des moissons. Alors qu'on a pris Janus, nous autres, le dieu à deux têtes, celui qui regarde en arrière, qui regarde en avant. Bon, on choisit les dates comme on veut. Pour certains, ce sera le 25 de décembre, pour d'autres, ce sera d'autres dates. En l'ère du Verseau, n'a rien à faire. Sauf que présentement, dans l'histoire évolutionnaire de l'humanité, il y a une tendance qui a débuté vers la fin des années 1800, au début des années 1900. Et la tendance, elle est exponentielle. Et elle va de plus en plus vers la capacité de créer une race neuve. Dans les professions, on en parle aussi. On parle d'être ressuscité. Elle n'est pas ressuscité encore physique. C'est la conscience qui va être ressuscité au niveau de l'humain. On parle de... Aurobindo parlera du surhomme, parlera de l'homme nouveau. Parlera de plusieurs choses de ce genre. Il y a effectivement, présentement, une tendance évidente. C'est sûr que si on se compare aux années 1900, on est une nouvelle race. Bon, on ne pense pas comme on pensait en 1900, on ne vit pas de la même façon. On a, même matériellement, on est carrément sur une autre planète. Mais il y a de plus en plus de changements et il y en aura de plus en plus des majeurs, c'est exponentiel. Quand l'humain va avoir suffisamment accepté d'être dans cette sixième race mère, présentement on est dans la cinquième, la race aryenne, quand l'humain aura accepté, ça veut dire quoi? On pourra en reparler encore un petit peu. Quand l'humain sera capable de vivre du sentiment plutôt que de rechercher uniquement l'émotivité, alors nécessairement, il y aura l'apparition du grand monarque. Pourquoi nous pensons tant à l'apocalypse? C'est la seule façon de nourrir nos égos. Par exemple, vous avez quelqu'un que vous aimez, on prend l'exemple d'un enfant, ça peut être l'exemple d'un adulte, et il arrive toujours à l'heure, c'est-à-dire à une heure raisonnable. Il est là, en tout cas, il vient coucher à la maison. Et on ne le manipule pas. Bon, mais disons, il se pointe. On ne s'en rend pas trop compte. La journée qu'il n'arrive pas à l'heure. Regardez comment ça s'écrète. Alors, on met toujours beaucoup plus d'emphase sur le problème, sur le malheur. Ça nous stimule. Tout va bien, on n'a rien à faire. Ça va mal, là, on commence à s'en occuper. Prends l'exemple des Mohawks, si tu veux bien. Tant que les Indiens et les Amérindiens vivent bien, on se nourrit pas de ça. La preuve, on n'a qu'à regarder les nouvelles et les journaux, de quoi on parle. Pas des bonnes nouvelles, ça ne nourrit pas. On parle des mauvaises nouvelles. Ça nourrit. Ouais, si tu vas à la ronde, tu vas voir qu'il y a des files d'attente pour faire de la montagne russe. Si tu vas dans un musée, c'est vide. Ben oui. Tu peux rentrer quand tu veux. Parce que les montagnes russes, ça fait peur. Ça stimule, ça fait peur. Une peur rationnelle, mais une peur. Alors, ce qui arrive, c'est que l'humain, dans son évolution, c'est la même problématique. Quand on peut aller vers un solutionnement de problème, à moins qu'on soit, et c'est ça qui est le problème, c'est qu'avant l'avenue du grand monarque, beaucoup d'humains devront avoir vécu une phase très évolutionnaire, qui est l'écœurement de l'écœurement. Est-ce qu'il faut tout passer par l'écœurement de l'écœurement avant le grand monarque? Tout, non. Mais il y a une quantité d'individus qui devront passer par là. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon qu'ils auront de réveiller leur ajusteur de pensée, donc d'entrer en contact avec de l'intelligence supramentale, qui étymologiquement, dans l'Antiquité, s'appelait intelligence christique, ou esprit saint, c'est la même chose. Et il doit y avoir suffisamment d'individus qui vont finir par être écœurés de toutes les structures traditionnelles de théologie, écœurés de toutes les structures traditionnelles d'ésotéristes, écœurés de toutes les structures traditionnelles scientifiques, bref, totalement écœurés de tout ce qui l'entoure. Et pour cela, l'individu devra avoir croqué la spiritualité, la religion, souvent, la matière, l'argent, la finance, le luxe, le sexe, etc. Et quand il sera rendu au fin fond de l'affaire, s'il est encore vivant, oui, parce que souvent, il se suicide, hélas, ou encore, il s'obnubile totalement par la boisson ou la drogue, et s'il est encore vivant, il va se passer quelque chose qui est relié au processus du miracle, c'est-à-dire que l'humain ne connaît pas et que l'humain ne contrôle pas, qui va être simplement le détachement de l'ajusteur de pensée au canal réincarnationnel, c'est-à-dire que l'humain subitement aura accès à l'information neuve, qui lui permettra d'avoir une vision neuve des choses. Plusieurs ici ont déjà un ajusteur de pensée qui ne contrôle pas, mais qui est opérationnel. Et ils sont capables d'accepter des choses neuves, d'accepter d'abandonner certaines vieilles traditions, mais à l'intérieur, leur ego souffle, l'ego a peur, l'ego est instable, l'ego est incertain. Et ça va créer la problématique de la transition. On en a déjà parlé un petit peu. Le grand monarque, c'est relié nécessairement au retour du Christ. Dans l'ancien temps, on attendait un Messie, un sauveur. Le sauveur était un être capable de diriger les Zélotes, la première guérillera planétaire, contre un envahisseur et un tyran romain. On se battait contre Rome. Il y a dans l'histoire ésotérique, toujours des parallèles intéressants à faire. Il y a eu le premier précurseur, le premier dirigeant, il est encore connu aujourd'hui, de la race aryenne. La première sous-race de la race mère blanche portait aussi le nom de race indo-européenne ou race aryenne, et il s'appelait Rama. Rama a été le précurseur, le premier à amener de la conscience neuve. C'est lui qui a jeté le pouvoir des sorcières et qui il a changé le règne du matriarcat en patriarcat. Et ce personnage-là a amené du neuf. Alors qu'on a, dans l'histoire aryenne encore, dans l'histoire de la race blanche, la plus puissante des religions, qui est la religion catholique, qui elle est basée à Rome. Et on sait aujourd'hui que quand on regarde, par exemple, un ordinateur, on parle de la Rome et de la Ram. Et Rama veut dire bélier. On a eu Abraham qui veut dire issu de Ram. On a eu Jésus, l'agneau de Dieu, donc le fils du bélier. Ram, Rama, c'est la même chose. La Rome, c'est la mémoire morte de l'ordinateur. La Ram, c'est la mémoire vive. C'est la mémoire qu'on peut changer, qu'on peut bouger. C'est la mémoire qu'on peut restructurer. Alors, on a un ordinateur qui a une ROM, et l'ordinateur est particulier. Mais qu'est-ce qui en fait son efficacité? C'est la RAM. C'est ce qu'on va pouvoir placer dans une mémoire vive, une mémoire qu'on peut changer sans arrêt. Mais nécessairement, lorsqu'on refroidit l'ordinateur, la RAM disparaît. Lorsqu'on l'éteint, il ne reste que la ROM. L'Église catholique est un grand gardien de la ROM. Il y a, si on va à Rome, on peut revoir devant la basilique de Saint-Pierre un écriteau. Et elle est écrite en romain. Si on additionne les lettres, comme c'était des chiffres romains, ça donne 666. Et ça, c'est facile, on n'a qu'à aller à Rome ou à regarder dans des livres pour voir certains trucs, et on va facilement se rendre compte qu'il y a le 666. En numérologie, ça veut dire quoi, 666? Très long à expliquer. Mais dans l'Apocalypse de Saint-Jean, on parle du signe de la bête, qui serait le 666. On parlera aussi de l'Antéchrist, quelque chose antérieur à la venue du Christ. On parlera de la bête, on parlera de l'Antéchrist, on parlera des sept sceaux, on parlera des sept chevaliers, de l'Apocalypse. On parlera de plusieurs choses de ce genre. Et on parlera nécessairement de l'apothéose. On parlera du retour du Christ. Mais si le Christ a résorbé son faisceau, comment il va faire ça pour revenir? Le Nazaréen a résorbé son faisceau. Ésotériquement, l'énergie christique du Nazaréen porte un nom, c'est une énergie michaélienne. On parlera de l'effusion de Michaël. Aidé par un procureur qui sera appelé Gabriel. Bon, c'est un peu long à expliquer. Lorsque on parle... Je ne suis pas pressé. Non, mais pour parler du grand monarque, on s'en reparlera à un moment donné. Lorsque l'on parle de l'énergie christique, lorsque le Nazaréen est arrivé, Christos, qui est un terme d'ailleurs grec, veut aussi dire Messie, sauveur, mais on s'attendait d'avoir un sauveur humain. Alors que finalement, ce qui est descendu à travers l'humain, à travers Jésus, que l'Église a appelé par la suite Jésus-Christ, donc la fusion entre le Christ et Jésus, et par la suite, on parlera soit de l'enfant Jésus quand on veut sécréter sur certaines choses, ou on parlera du Christ, ou on parlera de Jésus-Christ. Qui sont effectivement trois personnages totalement différents. On a Jésus, l'humain, on a le phénomène christique, le phénomène divin, et on a l'alliance entre les deux, Jésus-Christ. Lorsque on parle du phénomène christique, le Nazaréen parlera, lui, de l'Esprit-Saint, parlera de l'Esprit. À l'époque, l'humain est convaincu qu'il était investi d'un esprit. L'Esprit est un esprit, donc, qui n'est pas pur, ce n'est pas un Esprit-Saint. Alors, on parlera de l'âme. L'âme, c'est de la mémoire. Le Nazaréen va dire à ses apôtres, à un moment donné, « Lorsque l'Esprit-Saint va venir chez vous, vous aurez même la parole. » Alors, les apôtres disent, « Oui, mais si on va prêcher, on va dire quoi? » Tu sais, nous, on est des humains, on est des tartes. On ne peut rien dire, on ne connaît rien, on est... Bon. Alors, lui dit, « Ne vous en faites pas. Vous aurez l'Esprit-Saint, et quand vous aurez l'Esprit-Saint, vous saurez quoi dire. » Dans l'ésotérisme du Québec, on parle de l'intelligence supramentale. Et je dis souvent que l'intelligence supramentale donne un savoir instantané. Donc, ce n'est pas un savoir mémoriel. On ne peut pas apprendre l'intelligence supramentale, on sait. Mais c'est extrêmement insécurisant pour un égo ascendant, un égo évolutionnaire, parce que l'intelligence supramentale ne vous permet de savoir que ce que vous avez besoin de savoir que lorsque c'est nécessaire que vous le sachiez. Mais si on retourne avec dans l'époque des apôtres, où le pauvre petit apôtre doit s'en aller parler en araméen ou un peu partout ailleurs, alors qu'il n'a aucune idée de ce qu'il doit dire, au départ, il essaie de répéter ce que le Nazaréen lui a dit, il répète le proverbe ou les espèces de paraboles que Jésus va leur avoir données. Il en manque la moitié. Il manque l'énergie qu'il y a dedans. Mais c'est plus bon. Alors, ils ont extrêmement peur. Jusqu'à un moment donné où certains apôtres, pas tous, certains apôtres vont finir par faire une confiance telle aux Nazaréens qu'ils vont se risquer. Parce qu'ils se font poser des questions aussi, puis... Ça va de soi, mais eux vont se risquer à répondre. Alors, à un moment donné, quand je parle se risquer, ça veut dire prendre son corps et bouger. Ils vont se risquer à aller prêcher comme des imbéciles. Et à un moment donné, on va leur poser des questions, ils vont répondre comme des imbéciles. Mais ils vont oser rester là. Et progressivement, ils vont se réchauffer. Et subitement, ils vont découvrir que ce qu'ils répondent, ah ben c'est bon, maudit. Et ils vont commencer à s'instruire de leurs réponses. Alors ils diront, le Christ m'accompagne. Pourquoi? Parce que le Christ, selon eux, le Nazaréen, est leur instructeur, leur maître. Alors ils vont dire, le Christ m'accompagne. Et le Nazaréen va dire... en tant qu'énergie christique, là où deux ou plusieurs seront réunis en mon nom, je serai parmi eux. Mais aujourd'hui, là où un sera capable de me recevoir chez lui, je serai là. Ça veut dire quoi, le recevoir? Ça veut dire lui faire confiance. Mais faire confiance à qui? À soi. Alors, à un moment donné, le Nazaréen va dire que le royaume des cieux est en vous. Ça, il n'y a pas un humain qui va croire ça. Ils vont tous le répéter pendant des milliers d'années. Un jour, vous ferez les mêmes choses que moi. Et non pas « je ferai au travers vous ». Vous ferez les mêmes choses que moi, et même de plus grandes. Tout le monde le répète, mais n'allez pas dire que vous pouvez, parce qu'on pensait que vous blasphémez. Vous pouvez le répéter. Gardez la tradition, mais n'appliquez pas. Parce que si vous appliquez, vous serez nécessairement... hérétique, vous serez blasphémateur. N'allez pas dire que vous avez contact avec Dieu. Et le problème, c'est qu'une théologie, religion, religares, veut dire relier, contact. Toutes les théologies sont des techniques pour vous amener au contact. Mais n'allez pas dire que ça fonctionne. Parce que là, on va vous punir. Alors que... On va t'enlever le contact. Du coup, on va te donner un autre contact. Le Nazaréen n'appartenait à aucune église, à aucune religion. Il n'allait pas à la messe prier. Il allait là où il y a des condensateurs d'énergie. Pourquoi ne pas se faciliter le travail? Une cathédrale? Un endroit où la pierre a retenu de certaines formes de vibrations? Un désert, là où l'endroit n'a retenu aucune forme d'astral humain? D'accord, on va y aller. Quand donc les apôtres vont se promener, les apôtres, à un moment donné, commencent à parler, ils découvrent subitement qu'ils ont parlé dans leur langue. Mais que Machin a compris, que l'autre a compris, puis que l'autre a compris, que le grec, que l'araméen, que le juif, ils ont compris, même le romain. Qu'est-ce qui s'est passé? Télépathie? Énergiopathie? Ou si simplement l'intelligence est descendue à travers ceux qui écoutaient? Et elle a stimulé la vibration de ceux qui écoutaient. Par celui qui parlait. Celui qui parlait devient l'antenne, une antenne collective. Il attire suffisamment d'intelligence et les individus qui viennent écouter sont peut-être suffisamment en harmonie avec l'orateur pour subitement être capable de gérer eux-mêmes l'énergie et comprendre les choses. Mais si l'intelligence supramentale ou l'intelligence christique, l'énergie christique est là et a toujours été là depuis en tout cas un bon bout de temps, qu'est-ce que le Nazaréen a réservé? Il a réservé son faisceau. Bon, tu tiens à parler du faisceau du Nazaréen? Ben, je tiens à comprendre comment il va revenir s'il a réservé son faisceau. Bon, alors voilà, je continue maintenant. Quand le Nazaréen s'est promené, il a ramassé 12 apôtres. 12 qui? 12 n'importe qui. 12 les premiers qu'il a rencontrés. 12 personnes reliées à 12 faisceaux différents. Uniquement. Et quand il a parlé d'Esprit Saint, il n'a pas parlé de lui. Il a parlé d'Esprit Saint, de naissance christique. Mais christique est un terme alchimique qui veut dire, parce que les alchimistes existent depuis très longtemps, en Grèce surtout, Christos est un terme grec, les alchimistes parlaient de naissance divine appelée énergie christique, qui est l'énergie de l'Esprit Saint parlée par le Nazaréen, qui est l'énergie supramentale parlée par Aurobindo, et qui est maintenant surtout exploitée au niveau du Québec. Quand on parle de retour du Christ, on parle du retour de l'intelligence christique, on parle du retour de l'intelligence supramentale, on parle du retour de l'intelligence espritique de l'humain. La Bible va parler à un moment donné de 12 peuples, 12 églises. Et elle dira, il y aura 12 000 de chacun qui feront partie des survivants de l'Apocalypse. 12 fois 12, 144 000. Et elle dira 144 000 élus. Alors, on parle d'autre chose qu'uniquement du faisceau du Nazaréen. Et l'humanité se réincarnera par réincarnation pluralitaire fusionnelle à travers les 144 000 personnages, 144 853 individus ou corps physiques qui vont survivre. La religion en parle un peu lorsqu'elle dit que quand on meurt, on va dans le monde de la mort et on retrouve ceux qu'on a connus et aimés pour l'éternité. On se fusionne à eux. Bon, elle n'est pas si explicite, mais c'est ce qu'elle dit. Il n'y a personne d'abandonné ou d'oublié. Lorsque nous parlons du retour christique, nous parlons donc du retour du Christ, nous parlons donc finalement du grand monarque. Mais c'est pas un retour, c'est jamais parti. C'est un retour au niveau de l'expression, c'est un retour au niveau de ce qui va être exprimé dans le contexte planétaire. C'est facile de dire, par exemple... Juste que c'était là, puis on s'en servait pas. Ah oui, on a toujours eu de l'essence, oui, mais il y a une pénurie depuis 15 ans. Oui, mais toujours eu de l'essence tout à l'heure quand même, t'avais qu'à aller la chercher. Je suis bien croyable, il fallait qu'on trouve le puits, il fallait qu'on ait l'argent pour creuser, il fallait qu'on élimine les guerres entre les prédateurs qui veulent avoir le pétrole. Mais il y a toujours eu du pétrole. Vous savez, à l'époque des Romains ou à l'époque de nos grands-pères, il y avait plein de pétrole. Le métal, faire les moteurs, il y en avait, c'était aucun problème, tout était là. Sauf que ça ne va pas. Ben, c'est ça. Okay. Alors, c'est la même chose au niveau d'intelligence christique, c'est bien beau de dire, c'est là, oui, mais il faut avoir l'outil pour aller chercher. Mais donc, le faisceau nazaréen, c'est une chose, et l'intelligence christique, l'énergie christique, le faisceau nazaréen, ça englobe ça. Et les faisceaux des gens ici, comme les faisceaux des gens dehors, et ça englobe cela. Quand donc, on parle du... tous les faisceaux sont reliés à l'énergie christique. Oui. Quand on parle de retour du Christ, on parle du retour... D'un phénomène similaire à la fusion michaélienne, donc à la fusion christique-Jésus, à travers les individus. Alors, les personnes pourront dire, à un moment donné, au niveau théologique, que le Christ va revenir chez vous. Mais c'est vrai. Sauf que c'est pas un personnage qui va se promener sur la rue avec des cheveux longs, une barbe, etc., avec l'air très christique, prêt à se faire crucifier. Non. Progressivement, l'humain aura subitement l'impression qu'il y a chez lui quelque chose de neuf qui apparaît. Quelque chose qui vient améliorer la tradition, ce que le Christ a fait. Quelque chose qui vient changer la tradition, ce qu'il a fait aussi. Sauf que l'ego aura l'impression d'entrer en contact avec une entité. Mais cette entité-là, c'est vous. Et ça l'aura toujours été vous. C'est le mental qui va l'exprimer. C'est l'énergie supramentale, c'est notre conscience. Mais l'ego étant investi de médiocrisme, il ne fait confiance à rien de ce qui apparaît à l'interne chez soi. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu que c'est de la mémoire. Alors, à un moment donné, il y aura de l'intelligence active, l'énergie christique, qui apparaît chez l'individu, et l'individu n'y fait pas confiance parce que l'individu n'est pas sûr que ce n'est pas de la mémoire, donc que ce n'est pas de l'ego. Comme je dis, à un moment donné, la majorité des personnes sur la planète Terre font confiance à l'ego d'un autre, pas au sien. Alors moi, je ne sais pas, je dois faire ceci, cela ou cela, je vais voir un spécialiste ou n'importe qui, Mme Blancheville qui tire aux cartes, puis elle va me confirmer ou me dire quoi faire. Puis là, ça a l'allure, je fais confiance. Mais c'est son ego qui vient me parler. Puis elle, quand elle a plein de problèmes, elle va se faire tirer aux cartes. Je connais des cartomanciennes qui se font tirer aux cartes. Et ils ne font pas confiance à leur tirage. Mais ils collectent 20-21 $ par tirage à autrui. Et les autres font confiance. Mais eux vont se faire tirer aux cartes et l'autre cartomancien ou cartomancienne sait que ça, c'est une cartomancienne. Mais il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de psychologues qui se font psychologiser par d'autres psychologues. On est capable de le faire soi-même, mais on ne veut pas, on ne peut pas se faire confiance. Alors, comme je dis souvent, c'est que l'humain a tellement, pendant longtemps, l'ego a tellement joué qu'il était Dieu, que la journée où il va le devenir, il va encore penser qu'il joue. Mais est-ce que tous les égos doivent avoir disparu pour que le grand monarque atterrisse? Non, mais il faudra qu'il y ait suffisamment d'anégoïsation dans certains contextes planétaires. Autrement dit, qu'il y ait suffisamment de fonte d'égo, qu'il y ait transformation de l'égo en dobétérique. Autrement dit, il faudra qu'il y ait suffisamment d'êtres humains qui traversent du côté de l'ère nouvelle. Quand je parle d'ère nouvelle, ce n'est pas du point de vue spirituel. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura des humains qui vont traverser, on va en parler beaucoup au niveau du mois d'août, des humains qui vont être capables d'exprimer du sentiment, d'exprimer de l'intelligence qui a du cœur, et non pas uniquement de l'intellectuance mémorielle ou uniquement de l'amour humain, de l'amour conditionnel. Des êtres humains capables d'exprimer de la transparence, des êtres humains capables de désinhibition et non plus de libération. Plus il y aura d'êtres humains capables de vivre ce genre de choses, minimum d'en parler, plus le temps du grand monarque sera prêt. Mais nécessairement, il y a une problématique digestive. C'est que l'être humain, l'astral, le monde de la mort, n'est pas une énergie contrôlable et digérable par la majorité des êtres humains qui vont évoluer. Autrement dit, celui qui évolue de plus en plus ne peut pas voir d'utilité, d'intelligence ou d'esthétisme dans les guerres, dans les viols, dans la drogue, dans les meurtres, dans les chicanes. Et la majorité de l'énergie humaine planétaire a été placée dans un coffre-fort qu'on appelle le ciel, et elle a été codifiée, codée, encodée sous forme de souffrance. Cela crée une problématique. Cela veut dire que la majorité de ceux et celles qui allaient évoluer à un point tel qu'à un moment donné, vous allez être rayonnante et capable d'absorber de l'énergie à travers le sentiment et non plus l'émotion. Donc, vous allez être capable d'absorber de l'énergie à travers tous les couchers de soleil, exemple, et vous ne pourrez plus dire « Ah, il n'est pas aussi beau qu'hier. Ah, il sera un peu plus beau que ça. » Ce qui est uniquement une question de mémoire et de rappel mémoriel des couchers de soleil antérieurs. Ou encore de dire à quelqu'un « Ah, t'es pas aussi beau qu'hier, ah tiens, bon. » Mais toujours s'abreuver de l'événement pendant qu'il passe. Ces individus-là font partie de la race nouvelle. Et ça, il y a une mutation progressive qui se fait. Ces individus ne peuvent pas se nourrir ou se servir de l'énergie placée dans le monde de la mort depuis des milliers, sinon des millions d'années. Alors, il doit y avoir deux prédigestions. Il doit y avoir une prédigestion de l'intelligence qui descend chez l'humain, mais que l'humain n'arrive pas encore à se servir. Elle est prédigérée par les MTS, les martyrs de la transition supramentale, des individus très mentales, capable de chialer sur tout ce qui est abject dans le contexte planétaire, mais incapable de se servir pour eux de l'intelligence qu'ils descendent. Beaucoup d'apôtres, beaucoup de martyrs de toutes les religions ont été ce genre de personnages, capables de dire qu'on doit vivre en paix et vivre des saintes souffrances tout au long de sa vie. Bon. Mais en contrepartie, ceux qui sont capables d'appliquer de l'intelligence pour eux se voient rejetés de la planète. Ils ne sont pas dans le bon temps ou ils ne sont pas sur la bonne planète. C'est ce qu'ils vont vivre. Mais quand ils se font rejeter de la planète, est-ce qu'ils sont rejetés de la planète, comme tu disais tantôt, des idées de suicide ou de l'écœurement? Non, c'est qu'il n'y a pas de place esthétique pour eux dans le contexte planétaire. C'est comme si une personne se disait, « Oui, mais maintenant, là, avec la vision que j'ai de l'évolution, je ne peux même plus vivre ici. Il n'y a plus un seul film qui me plaît. Il n'y a plus un seul individu qui me plaît. Chaque fois qu'un gars ou une fille m'approche, dépendant des sexes qu'on est, ça ne sera plus. Il n'y a plus beaucoup de choses énergétiquement qui peuvent alimenter l'individu de la race nouvelle. » Et il doit donc y avoir des personnalités qui vont venir digérer l'énergie placée dans le monde de la mort pour qu'elle soit utilisable par l'humain ascendant, par l'humain de la race nouvelle. Et ceux qui vont venir digérer cette énergie-là sont ceux de la race ancienne. C'est-à-dire, ce sont des individus qui vont purifier le monde de la mort, qui vont purifier le ciel. Jean de Patmos dit que rendu à vers la fin de l'Apocalypse, donc au début de l'apothéose, les individus qui voudront mourir ne pourront même pas trouver la mort. Le monde de la mort aura été résorbé. Pour que le monde de la mort soit résorbé, il faut qu'apparaisse la bête et il faut qu'apparaisse l'antéchrist. Après viendra la descente du monarque, c'est-à-dire la descente de l'intelligence à travers la conscience de ceux qui pourront la supporter. Quand on parle du grand monarque, il n'y a pas d'être capable de diriger la planète Terre s'il n'y a pas d'être humain planétaire capable d'être dirigé par de l'intelligence. Mais quand le grand monarque, ce que j'en comprends, c'est aussi que ça va justement un gouvernement international. Oui, c'est un gouvernement mondial. Mondial. Donc, il n'y a plus, ben, c'est plus international, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de frontières. Mondial. Là, ben, de plus ça va, plus on a tendance à se séparer. On n'est pas juste au Québec, dans d'autres coins de la planète aussi. Quoiqu'en Europe, on a plutôt tendance à se regrouper. Mais comment on va réussir à englober ça dans un territoire, Nous, on réussira pas. Non, pas on va réussir. L'événement va réussir. Comment ça va se faire? Ouais. Ben, c'est facile. Parce que tantôt, tu disais qu'il va rester. Je t'ai demandé s'il allait y avoir encore de l'ego sur la planète. Puis tu m'as dit oui. Fait que j'étais pas sûr, je te pose encore. Tu m'as encore dit oui. Oui, ben oui. Puis s'il y a de l'ego sur la planète, comment... Ta question n'était pas comme ça. Est-ce qu'il faut que tout l'ego soit parti pour que le grand monarque arrive? Oui. Bon. Pour que le grand monarque arrive, il faut qu'il y ait suffisamment d'antennes supramentales, donc d'individus capables de recevoir de l'énergie supramentale. Pour que le grand monarque arrive, il faut qu'il y ait approximativement 144 000 personnes capables d'être suffisamment centrées dans leur intelligence pour être capables de recevoir leur propre esprit d'une façon non colorée, d'une façon pure. Des individus capables donc de vivre de caractéristiques qui sont reliées à l'intelligence et à l'expression d'une forme d'amour pure que l'humain ne connaît pas. On va en revenir là-dessus pendant le mois d'août, c'est un mois sur la mécanique de l'énergie et de l'amour, mais et de l'intelligence. Il faut qu'il y ait suffisamment d'antennes collectives pour descendre suffisamment d'intelligence de façon à imprégner et de façon à instruire. Alors là, on aura effectivement un retour christique confirmé, et on aura donc, du point de vue de l'ésotérisme, le retour du grand monarque confirmé. Qu'est-ce que c'est le grand monarque? Le grand monarque, c'est une ambiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, il y aurait... Il y aurait une personne reliée à son propre esprit dans le gouvernement du Québec, une dans le gouvernement fédéral, puis une chez les Amérindiens. OK? On donne un exemple. Alors, automatiquement, tout va se régler. Oui, c'est ça, utopisons. Tout va se réglerait facilement, esthétiquement, aristocratiquement, pour le bien-être de l'humain. Pas pour le bien-être des Mohawks, pas pour le bien-être des Québécois, pas pour le bien-être de ceux qui vivent à Oka ou des Canadiens. Pour le bien-être de l'humain. Mais les Mohawks seraient d'accord automatiquement parce qu'ils seraient imprégnés de la personnalité du personnage relié à son intelligence qui parlerait. Les Québécois, le gouvernement du Québec serait d'accord, le gouvernement fédéral aussi, etc. Bon, 144 000 personnalités comme ça réparties un peu partout. La majorité vont provenir du Québec, réparties un peu partout à travers le système planétaire. Ou qui auront suffisamment d'incidence, va faire en sorte que les nations, les peuples vont être d'accord. Donc, de ce fait, ésotériquement parlant, il n'y aura plus de gouvernement fractionnaire ou fractionné pour la simple raison qu'ils seront tous d'accord uniquement parce qu'il y aura toujours quelqu'un. Prenons l'exemple, tu places un Mahatma Gandhi en Angleterre puis un aux Indes à l'époque du Mahatma Gandhi. Alors, il n'y en aura pas eu de problème. Le problème n'aurait pas grandi à ce point-là jusqu'à point où il sera mort. Bon, pourquoi? Parce qu'il y aura une manipulation dans les deux camps par la même intelligence. Quand on parle d'un gouvernement mondial, on parle donc d'une acceptation universelle, disons mondiale, d'une vision des choses. Qui sera le grand monarque? Probablement certaines personnes ici et plusieurs à l'extérieur. Et qu'est-ce que c'est être le grand monarque? Ça peut être, par exemple, une personne qui fait juste jouer au tennis dans un club où il y a le président des États-Unis qui joue dans le même club. À un moment donné, peuvent se rencontrer, peuvent être amis. Et il y a énormément de conseillers qui sont très près des gouvernements, des conseillers occultes, des conseillers ésotériques, qui sont n'importe qui. Est-ce qu'on peut faire l'application pour jouer au tennis? Ou on va se faire choisir un poste? En fait, à un moment donné, il y a une personne qui va se dire « Moi, j'en ai ras-le-bol des affaires huppées, mais aller jouer au tennis comme le peuple joue au tennis. » Et il va se ramasser dans un terrain très vide. Il est tout seul. Puis là, il va demander à quelqu'un « Est-ce que je peux jouer avec vous autres? » On dit oui. Puis on joue. Et puis, la vie est très bien structurée. En tout cas, si vous avez des questions sur le sujet, sur les questions qu'il n'a pas posées, ou sur d'autres sujets, ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez, puis on va les répondre. À tantôt.